La fugue. Contrairement à beaucoup d'enfants, Faustine aime bien l'école. Du moins tant que sa réputation n'y est pas établie. À chaque rentrée, elle repère une fillette isolée comme elle, entame la conversation, et très vite elles sont deux à affronter le monde. Plus besoin d'avoir peur. En classe, elles se mettent au premier rang et tâchent de paraître studieuses. Faustine apprend vite. L'autre jour, alors qu'elle vient en deuxième dans la file qui s'avance vers le bureau du maître afin qu'il corrige sa dictée, elle le voit rectifier un mot sur le cahier de son camarade. Elle vérifie dans le sien. Elle a fait la même erreur. Discrètement, elle retourne à sa place la corriger et mériter son 10. Un autre jour, le maître lit le début d'une histoire et demande aux élèves d'imaginer la fin. À midi, Faustine parle de l'histoire à papa. Ce dernier, très instruit, reconnaît tout de suite l'extrait et dévoile la chute innocemment. Plus tard, interrogée, Faustine retransmet fidèlement la version sans bien comprendre pourquoi le maître n'apprécie pas sa débrouillardise et la traite de tricheuse. Pauvre Faustine, elle a souvent des problèmes avec la sacro-sainte bonne conduite. À son corps défendant, un petit démon semble s'emparer d'elle dès le milieu de la semaine. Elle ne semble pas pouvoir alors s'empêcher de lancer des blagues qui font rire toute la classe. Mercredi, c'est supportable. L'après-midi, on conge, comme dit papa. Mais jeudi et vendredi, elle se déchaîne, et le samedi matin sur son carnet, alors que les autres notes sont loin d'être mauvaises, il y a presque toujours un zéro de conduite. Et donc une fessée à l'appui qui devient traditionnelle tous les samedis midi. À la maison, c'est simple, un 10 rapporte une thune, c'est-à-dire 5 francs, un 0, une fessée. La monotone et douloureuse répétition dit seule. Papa se sert d'une baguette en bambou, finit par lasser Faustine qui n'en peut, mais chaque semaine c'est rebelote. Lundi, le souvenir se fait encore sentir et sert de garde-fou. Mardi, elle se sent déjà mieux et mercredi, c'est reparti. Un samedi, elle en a marre et décide de renverser la vapeur. Dans cette classe, les enfants complètent seuls leur bulletin hebdomadaire. Au-dessus des notes inscrites par l'instituteur, ils doivent colorier les cases avec les couleurs correspondantes. Elles vont du bleu à rouge en passant par le vert et l'orange. Un 10 vaut une case bleue, un 9 une verte, un 8 une jaune, etc. jusqu'à un beau rouge carmin signifiant le zéro. Dommage, ça serait mieux dans l'autre sens, vous ne trouvez pas? Cette fois, jaugeant son zéro de conduite rituel, Faustine change simplement la couleur. Elle met du bleu partout. Bien sûr, l'instituteur, monsieur Raymond, s'en aperçoit. Furieux, il montre le forfait de la tricheuse à toute la classe, puis barre la page d'un grand trait rouge vengeur et convoque les parents dans la foulée. Voilà Faustine toute tremblante qui grimpe jusque chez elle, se demandant comment sortir de ce fichu bourbier. Et ce n'est pas la dernière fois. Elle est interrompue dans sa réflexion quasiment devant la porte, croisant maman avec papa, libérée de ses 3 semaines de service militaire annuel qui reviennent de la gare. Imaginez comme il sera déçu. Furieux, mais surtout en pleine forme pour la fessée. Comme elle s'y attendait, sitôt le carnet examiné, Faustine est envoyée dans sa chambre, y attendre la punition. Cette fois, la gamine, terrorisée, prend une grande décision. Elle écrit à la hâte un billet qu'elle pose sur son oreiller. Ne me recherchez pas. Et s'enfuit en pantoufle par la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Il manque un barreau à la clôture des voisins, ce qui lui permet de se faufiler. Elle se baisse, afin que la concierge ne la voie pas passer sous ses fenêtres, et aboutit sur le boulevard. Où aller? La seule personne qu'elle connaît à Lausanne est la mère de papa, la terrible grand-maman Muller, une femme acrimonieuse et revêche qui fait sa sucrée devant les petits, mais a empoisonné la vie de ses fils au point que son cadet s'est suicidé à 20 ans, ce que papa n'a jamais pardonné. Évidemment, Faustine ignore tout de ses secrets de famille. Elle ne connaît que le côté sucre, et comme tous les enfants, elle aime bien sa grand-maman sans a priori. Alors, elle prend le chemin qui monte avenue de Florimont et sonne à la porte de la vieille dame qui met longtemps à réagir, étant donné que la petite n'est pas visible depuis le hutton. Quand enfin elle lui ouvre, Faustine, qui s'est jouée la version sans famille tout le long du chemin, est mûre au point que des larmes d'une sincérité absolue jaillissent opportunément. Grand-maman est une taiseuse et se passe de commentaires, bien que faisant sentir à l'enfant qu'elle est dérangée dans son train-train et qu'elle n'aime pas ça. Enfin, passons, elle fait longuement parler Faustine, lui demande de s'expliquer, et finalement, après lui avoir donné une tartine et un verre de lait, l'autorise à jouer aux bulles de savon dans la courette qui jouxte l'appartement. Elle n'a pas répondu quand Faustine lui a fait promettre de ne pas appeler ses parents. Toutefois, la gamine peut rôder encore aux trahisons des adultes et sûre qu'elle n'en fera rien. Après tout un après-midi à jouer, Faustine se demande où elle dormira quand sa réflexion est interrompue par le ding-dong de la porte d'entrée. Celle-ci s'ouvre sur papa qui fait un grand balayage de chapeau devant la petite et déclare avec emphase « Si mademoiselle veut bien se donner la peine, la voiture de mademoiselle est avancée. » Faustine n'a pas le temps de reprocher sa perfidie à grand-maman qu'elle est conduite gentiment mais fermement dans le taxi. Pendant le trajet, elle tremble de trouille à l'idée de ce qui l'attend. Or, à sa grande surprise, on lui dit d'aller dans sa chambre, de se mettre au lit, et on ne reparle plus de l'incident. On lui signale juste que son message, bourré de fautes, a bien fait rire. Épuisée, elle s'endort d'un sommeil hanté de rêves tourmentés. À partir de là, comme si elle avait intégré une leçon importante, Faustine s'assagit, se calme et pose moins de problèmes à son instituteur ainsi qu'à ses parents jusqu'à la fin de l'année. Épilogue. 3 semaines plus tard, grand-maman vient en visite. Elle reste tout l'après-midi et de longs conciliabules sont échangés. Entre elle et sa belle-fille d'abord, puis avec les deux parents dès que papa rentre du travail. Les enfants jouent dans leur chambre. À peine l'aïeule a-t-elle tourné les talons, que papa, fou de rage, entre dans la pièce, fait sortir Stéphane et rosse Faustine sans ménagement. Il tape fort, les gifles pleuvent. Après son départ, Faustine s'endort, à bout de larmes, désespérée, sans avoir compris la raison de cette colère. Elle se réveillera avec une oreille en sang. C'est maman qui lui expliquera, quand la fillette osera enfin lui en parler, que grand-maman a profité de sa fugue pour lui poser toutes sortes de questions sur la vie privée de ses parents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que papa n'a pas apprécié.